Sedex, aventure, rencontre, conversation. Quand j'ai tapé cette introduction sur Word et que j'ai écrit le mot aveugle, le logiciel m'a proposé de remplacer le mot aveugle par les personnes malvoyantes. Alors je l'ai remplacé. Je me suis toujours demandé comment vivent les personnes malvoyantes. Comment on fait la cuisine, comment on choisit ses chaussettes, comment on sent le monde, quel lien nous rattache aux autres. J'ai rencontré Pia grâce à mon ami Clément. Il m'avait parlé d'elle parce qu'elle vivait avec son handicap et qu'elle avait un discours sur celui-ci. Ça n'empêche pas de faire la fête, de vivre à Paris, d'être sur Facebook, d'être une femme de 2018 en somme. Premier épisode de mon entretien avec Pia. Je m'appelle Pia, j'ai 27 ans. Je viens de la Drôme, d'un petit village mirmande, village médiéval perché en haut d'une colline. Je vivais à l'époque avec mon frère, donc de 5 ans de plus que moi, et mes parents. J'ai grandi là-bas pendant 17 ans de ma vie, donc où j'ai parcouru du coup les différentes écoles primaires et maternelles à l'époque, dans mon village, ce qui me permettait de pouvoir circuler comme je voulais et y aller toute seule. J'ai depuis la naissance une pathologie qui est orpheline, qui est une aniridie, donc une déficience visuelle due à une malformation génétique en fait, qui se produit pendant la grossesse, sans raison particulière, c'est-à-dire que cette maladie se développe soit due à un problème vraiment héréditaire au niveau des gènes, ce qui n'est pas dans mon cas, soit effectivement il y a un moment donné où l'œil va se malformer. Et on ne va pas savoir pourquoi, en fait, ça va se produire. Donc, il y a, dans ces cas-là, à la naissance, beaucoup d'examens pour voir au niveau du génogramme, notamment, s'il y a quelque chose de l'ordre héréditaire. Donc, ce qui n'a pas été mon cas. Voilà, donc je suis née avec cette pathologie qui provoque, en fait, comme je disais, une malformation de l'œil. Mais c'est-à-dire aussi, ça provoque l'arrêt, en fait, je pense, de l'évolution de du développement oculaire, ce qui fait que y a plein de fonctions qui ne vont pas par la suite se développer, notamment une malformation de la cornée qui est très importante pour moi. Je n'ai pas d'iris, ce qui fait que ce qu'on voit en fait chez la plupart des gens, donc la couleur de l'œil, l'iris, je n'en ai pas, j'ai les yeux noirs. Voilà, je suis très sensible à la lumière. J'ai également donc une vision qui est très faible, avec un grand écart entre les deux yeux. Et c'est vrai que cette maladie est dégénérative. Donc, au cours de la vie, en fait, différentes complications vont arriver. Et ce qui fait que qu'effectivement, il va falloir s'adapter à ces différentes complications qui ne sont pas forcément obligatoire, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, ni pourquoi, ni si ça va arriver ou pas, mais disons qu'en tout cas, il y a de fortes possibilités que la vue évolue et qu'on arrive à un moment donné où effectivement la vue soit très très très faible. Moi, quand j'étais petite, donc j'ai été jusqu'à mes 6 ans vraiment sous contrôle très important au niveau hospitalier, puisque ma dégénérescence du coup visuelle est souvent liée à aussi une malformation des reins. Donc il y a aussi la possibilité d'avoir une grève de reins et aussi parfois une déficience intellectuelle, ce qui n'est pas mon cas non plus. Donc j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup d'examens jusqu'à mes 6 ans, et je pense que ça marque quand même vraiment le début de... Ça structure en fait la vie familiale, et ça structure aussi le développement personnel, puisqu'on est quand même dans un contexte assez stressant finalement, de la base, où jusqu'à un certain âge on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. tous les 3-4 mois, il y avait des rendez-vous assez réguliers, voilà. Donc avec des anesthésies générales, pour voir au niveau des reins, etc. Donc c'est quand même assez lourd, des examens assez lourds. Et bon, finalement, les choses sont assez positives, puisqu'il n'y a que la vue qui est touchée et que tout le reste va bien. Donc je suis plutôt quelqu'un finalement en bonne santé, on va dire. À côté de ça, dans un environnement très serein, puisqu'en fait, c'était dans un petit village où tout le monde se connaissait, où donc, comme j'expliquais tout à l'heure, je pouvais circuler très aisément, toute seule, voilà, aller voir mes amis, aller à l'école seule, donc c'était très confortable pour moi. Et surtout, une ambiance très familiale, où non seulement tout le monde se connaît, mais aussi tout le monde se fréquente, et les gens sont très proches les uns des autres, donc il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de rencontres, voilà, on se voit tous les jours, on partage des moments, c'est très important, ce qui fait que cet environnement-là était très sécurisant, et ça m'a permis d'apprendre à faire du vélo, d'apprendre à courir dans mon village, malgré cette déficience visuelle qui était quand même très importante déjà à l'époque. Mon père était, puisqu'il est à la retraite maintenant, artisan, donc restaurateur de faïence et de céramique. Mais effectivement, donc dans un petit atelier, un peu à la Gepetto, où effectivement, où il est très enfermé dans son atelier à bosser pendant des heures, et voilà, quelqu'un d'artisan et d'artiste profondément. Et puis une mère qui enchaîne beaucoup de boulots différents, mais qui touche à tout, qui sait tout faire en fait, et notamment qui a travaillé pendant très longtemps dans une fabrique de poterie, puisque je viens de ce genre de village dans la Drôme où le métier de base était à l'époque l'artisanat, et donc pendant des siècles la poterie. Quand on vient de la campagne, je pense que c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de structures en fait qui permettent de s'adapter. Il faut du matériel quand on est en situation de handicap assez technique pour visuellement, par exemple, à l'école, pouvoir lire, pouvoir écrire, pouvoir voir ce qu'il y a écrit au tableau. Donc à l'époque, avec une longue vue, par exemple, pour moi. Voilà, à l'époque, je pouvais aussi écrire. Ce qui fait que c'est ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais en fait j'avais des cahiers écrits très gros, enfin avec des surlignements, des gros carreaux. Je pouvais lire les livres avec des gros caractères également. Je m'adaptais comme ça, et donc j'étais suivie par des associations, qui venaient, notamment le CTRDV, qui est une association à côté de Villeurbanne, en fait, à Villeurbanne même, pardon, côté de Lyon, qui permet de suivre les enfants en fait en bas âge au niveau scolaire. Donc ça permettait de faire un suivi avec les enseignants également, de pouvoir voir tout ce qui était de l'ordre de l'adaptation au quotidien à l'école, et pour que moi je puisse effectivement apprendre finalement comme les autres, dans le même environnement que les autres, mais à mon rythme. Il y a 20 ans de ça, parce que bon, maintenant, voilà, ça commence à faire un moment, mais je pense que particulièrement il y a 20 ans de ça, c'était compliqué pour les enseignants. Déjà, ça l'est encore, mais c'était compliqué pour les enseignants que ce soit dans un petit village ou dans la ville, de s'occuper d'un élève qui avait besoin de plus de temps, qui avait besoin de plus d'attention, qui avait besoin de matériel spécifique, donc qui prenait de la place. Voilà, je pense que c'était compliqué à accepter, et beaucoup faisaient vraiment marche arrière par rapport à ça. Ce qui fait que ça a été très désagréable, parce que j'ai été souvent mise de côté par les enseignants. J'ai, malgré, je pense, mes capacités lambda, on va dire, au niveau scolaire, ni plus ni moins. Mais disons que je n'avais pas spécialement de facilité, mais je n'avais pas spécialement de difficultés non plus. À part peut-être pour certaines matières, comme tout ce qui est de l'ordre des mathématiques, puisque c'était très visuel. Il y a eu des moments, par exemple en primaire, il a été question que je passe des tests intellectuels notamment, pour voir, en fait, observer si j'étais apte à suivre une scolarité dite normale. Et donc, avec effectivement toute une batterie test, voilà, qu'on fait passer aujourd'hui à beaucoup d'enfants, mais disons qu'à l'époque, c'était vraiment pour voir si j'étais apte à rester ou pas. Ce qui a été très compliqué à accepter pour mes parents et pour moi-même, puisque c'était quand même assez gonflé. Et résultat des courses, j'ai pu rester dans le parcours normal, voilà, dans une école lambda. Mais disons qu'il a fallu quand même se battre et qu'il a fallu qu'il y ait des enseignants qui soient aussi de notre côté et qui fassent bouger les choses, qui fassent le forcing, en fait, pour qu'on puisse continuer à rester. Enfin, en tout cas, moi et d'autres, que ce soit des personnes en situation de dyslexie, par exemple, voilà, dans ces écoles-là de petits villages. Quand tu arrives au collège, est-ce que ça a eu une... Ça a pris une autre mesure, ce dialogue avec les professeurs, l'équipe enseignante, etc. La scolarité au collège, c'est autre chose ? Moi, j'ai trouvé que c'était toujours du même ordre, très très compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que de toute façon, en plus, d'autant plus parce qu'en fait, les classes sont plus importantes en termes d'effectifs. Donc là, ça complique un peu la chose. Et je crois que de toute façon, il y a des gens qui sont vraiment définitivement réfractaires à la différence. Quelle qu'elle soit, en fait. Et quand à partir du moment où il y a de l'inconnu, où on comprend mal une pathologie, étant donné que la mienne est orpheline, et que effectivement il y a des choses que je vois, il y a d'autres choses que je ne vois pas, et en plus, ça peut surprendre, parce qu'effectivement, il y a des choses que je vais être très bien capable de faire toute seule, et il y a d'autres choses pour lesquelles j'ai appris, en fait, à demander de l'aide. Parce que, effectivement, je me suis bien rendu compte que moi, si je ne faisais pas ce pas-là, vers les autres, si je ne demandais pas de l'aide, finalement, y avait des fois où effectivement je pouvais attendre longtemps avant d'en avoir et qu'il y avait effectivement cette notion de rejet. Donc ce qui a été très important, ça a été d'expliquer, et justement les associations extérieures sont là pour ça, c'est-à-dire que elles sont là pour accompagner aussi les enseignants face à leurs difficultés, ce qui est tout à fait légitime quand on ne connaît pas les difficultés d'un élève, essayer de les comprendre et de voir comment on peut, par la communication en fait, tout simplement et par le partage, arriver à travailler ensemble, quoi. C'est vraiment un travail d'équipe pour le coup, et c'est pas juste un service qui est rendu par l'enseignant, c'est aussi à l'enfant de s'adapter et à faire des efforts pour s'adapter. Seulement, on nous en demande aussi souvent beaucoup, parce que il y a aussi beaucoup le poids social de se dire que finalement, c'est pénible en fait pour eux. Donc du coup, nous, on essaye toujours d'en faire plus pour essayer d'en demander le moins possible, quoi. Moi, ça se voit un peu plus parce que effectivement, mon regard est particulier, parce que je ne le pose pas de la même manière que quelqu'un qui voit bien, parce qu'on voit bien qu'à des moments j'ai des difficultés visuelles. Mais pour autant, il y avait d'autres élèves en situation de handicap qui se voyaient pas trop, et je pense que c'est ça souvent qui amène de l'incompréhension en fait chez les autres de manière générale. La scolarité a été dure parce que j'avais besoin de beaucoup plus de temps que les autres. Et c'est souvent ça contre quoi je me suis battue, c'était d'obtenir des tiers-temps. Des tiers-temps en classe, des tiers-temps pour les devoirs, des tiers-temps tout le temps, toute ma vie, de toute façon. C'est quoi exactement un tiers-temps ? C'est un temps en plus par rapport au temps qui est déjà escompté. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez 2 heures d'examen, on va vous rajouter 40 à 45 minutes en plus, en fait. Voilà, donc c'est vraiment un temps supplémentaire qu'on estime être nécessaire pour la personne vis-à-vis de ses besoins par rapport à son handicap. Voilà. Ce qui fait que moi, j'ai effectivement, dans la vie, de toute façon, je mets plus de temps pour faire tout et n'importe quoi, pour me déplacer, pour... Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dû m'adapter à ça et passer beaucoup plus de temps que les autres à travailler, donner aussi beaucoup plus d'énergie. voilà, à mon rythme. Mais ça fait partie aussi du truc. Et je crois que ce qui était intéressant pour moi, quand même, c'était d'être intégrée dans une classe, du coup, dite normale, avec d'autres élèves, que ça soit très, très varié. Ça, pour moi, c'est une richesse, en fait. Parce qu'il était question, quand même, effectivement, depuis la primaire, que je sois dans un... Enfin, qu'on m'emmène dans un... dans une école spécialisée, pardon, de déficients visuels à Villeurbanne, donc voilà, et qui s'appelle EREA, et mes parents, en fait, c'est-à-dire que c'était quand même, ça voulait dire être là-bas à la semaine, revenir le week-end, mes parents n'avaient pas très envie de ça, déjà, et puis moi, j'avais vraiment envie de grandir dans mon environnement, qui pour moi était tellement serein, et c'était magique de grandir de cette manière-là, avec... autant de possibilités, d'amis proches, de loisirs, voilà, dans mon environnement familial, dans cette grande maison où je connaissais tout par cœur, et finalement, pour moi, c'était... j'étais à l'aise partout, tout le temps, en fait. Donc on s'est battu pour ne pas que j'aille là-bas, et pour moi, je pense que je me serais aussi adaptée, et je pense que ça aurait été simplement une autre scolarité, ça aurait été une autre vie. J'ai des amis qui y sont allés, que j'ai rencontrés par la suite, pour qui ça s'est très bien passé, et ça leur a très bien convenu. Mais je pense que de par ma personnalité, rester enfermée dans un milieu clos, effectivement, où on est entouré de personnes qui sont en situation de handicap, et on pointe du doigt toute la journée, en fait, aussi, cet élément-là, pour moi... C'était pas ce qui me correspondait. Parce que j'estime que je ne suis pas que ça. Et que du coup, effectivement, j'avais besoin de développer tout ce que j'étais à côté, en fait. Tout ce que, voilà, qui pouvait construire ma personnalité et mon avenir. Thank you. Thank you.